parti quelques temps là au Mexique, donc justement ça me donnera l'occasion de parler un petit peu de ce que j'ai fait là-bas. Et aujourd'hui, on va parler également de ben encore du Mexique avec Ayotzinapa, avec la disparition des étudiants. On en a entendu parler. Donc, on vous parlera un petit peu de l'actualité, de ce qui est en train de se passer. Et on aura aussi l'occasion d'être avec Ludovic. On a fait un entretien avec lui hier qui nous présente son film Acuérdate de Acapulco, qui est un documentaire cinématographique qui a été diffusé jeudi dernier, le 16, à la Maison d'Amérique latine. Donc, on a eu l'occasion de le voir et donc de faire un petit entretien avec lui. Là, il est plus sur Paris, il ne pouvait pas être avec nous. Et on va commencer notre programme avec, pour changer, parce qu'on parle toujours des luttes d'ici, d'ailleurs et de là-bas. Donc, on va parler un peu de ce qui se passe en Grèce, de ce qui s'est passé, en tous les cas, ces dernières années, avec les initiatives de cabinets médicaux de solidarité, qui sont des cabinets médicaux autogérés par des médecins et des bénévoles. Et donc Anastasia qui va nous en parler puisqu'elle a participé au travail dans l'un de ceux-là. Et donc comme d'habitude, on commence avec un petit morceau de musique que nous a ramené justement Anastasia. Et donc on est ensemble jusqu'à 8h30, la jungle des luttes. Ευυπόληπτοι πολίτες. Η δίμη είναι αθώη. Η δίμη είναι αθώη. Η έννοια. 106.3 FPP, la jungle des luttes. Donc, on reprend et on commence tout juste donc avec Anastasia. Donc, bonjour Anastasia, bonjour. Merci d'être venue. Et on merci aimerait. À vous. Merci. Et donc, on a, ben voilà, on avait l'idée de te laisser parler un peu de ce qui se passait en Grèce, puisqu'on a parlé de la Grèce d'autres fois avec Nikki, par exemple, qui nous avait parlé de la lutte. En rapport avec des mines d'or. J'ai pas dit Nikki, c'était pas ce qu'il fallait dire. C'est, bon. C'est la mine d'or de Chalkidiki. Ah, c'est la mine Chalkidiki. Ouais, c'est ça, la mine d'or de Chalkidiki. Et donc on va continuer de parler de la Grèce, mais sur un autre versant, en parlant d'initiatives de médecins qui ont créé donc des cabinets. De solidarité. Donc, le mieux, c'est qu'on te laisse raconter un peu d'où ça vient, de ce que ça a été cette initiative, de ce que ça a représenté, et puis de là où on en est aujourd'hui. Alors, le cabinet des solidarités en Grèce, c'est une histoire qui date à peu près depuis 2011. Le cabinet que moi j'ai connu le plus, c'est le cabinet médical de solidarité de Thessalonique, qui était créé par un groupe de médecins qui se sont retrouvés. Et pendant la grève des faim d'un groupe d'immigrés en Grèce et qui voulaient revendiquer leur droit de se légaliser parce qu'ils travaillaient depuis des années dans le pays, ils ne pouvaient pas se légaliser, avoir leur droit de travail comme il fallait. C'était 300 personnes et 50, entre 52, ils ont allé à Thessalonique pour être accueillis par les gens militants, par des gens en général qui comprenaient l'importance de leur lutte. Et puisqu'ils étaient en train de faire une grève de faim, on avait besoin des médecins. Une grève de la faim, donc, qui a commencé, enfin, c'était en 2011, ça, à c'est 2011, ça? En 2011, oui. Et qui a duré plus que 40, c'était 40-45 jours, je pense. Du coup, c'était assez dur, vous pouvez imaginer, surtout vers la faim. Et on avait besoin des médecins pour accueillir ces gens-là. Et ces médecins-là sont retrouvés aussi dans un moment où le pays traversait ce qu'on appelle la crise, qu'on en a marre d'en parler, mais c'était le moment où toutes les mesures d'austérité, surtout par rapport au système de santé, s'impliquaient. Et les médecins, ils ont décidé de créer ensemble un espace qui pourrait accueillir pas forcément des immigrés ou des sans-papiers ou des gens très, très précaires, mais toute la population de la ville de Thessalonique qui n'avait pas accès aux soins. Et qui faisait à ce moment-là, c'était beaucoup, beaucoup de personnes, c'était des étudiants aussi, des gens de fonctionnaires, c'était une grande partie de la société qui n'avait plus le droit d'aller à l'hôpital sans payer. Et cet cabinet médical, disons, qui a inspiré la création d'autres cabinets médicaux. Donc le premier, c'était à Thessalonique. Oui, le premier, disons, officiel avec ses noms, parce qu'après, il y avait énormément d'initiatives en Athènes et à Thessalonique, des petits groupes qui faisaient d'efforts d'accueillir des gens qui n'avaient pas accès aux soins, surtout les sans-papiers. Mais disons qu'officiellement, un espace qui était connu par une grande partie de la population de la ville, c'était le cabinet médical de solidarité avec ses noms qu'on a lancé, disons, comme un... C'était comme le nom reconnu autour du pays. Du coup, on avait après, enfin, en Athènes, en Crète, et beaucoup plus dans les petites villes de la Grèce. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 cabinets médicaux de solidarité qui existent. Et qu'ils ont... oui, il y a des médecins dispensaires, et des bénévoles, des étudiants qui participent. Et à côté de chaque cabinet médical de solidarité, il y a une pharmacie. Enfin, à côté, c'est dans le même espace, mais je veux dire, ça marche. Ensemble, c'est-à-dire que les gens peuvent recevoir des soins et avoir des médicaments. Des médicaments en même temps. Et le revendication principale de ces cabinets depuis le début, c'était d'aider la population qui n'a pas accès aux soins jusqu'au moment où le gouvernement allait changer et donner accès aux soins comme il faut à toute la population du pays. Ou au moins retourner à l'état précédent, je veux dire avant la crise, et où quand même il avait une partie une de la population, une possibilité de couvrir les besoins de santé d'une partie de la société, disons, de la grosse majorité, qui n'était plus le cas à partir de 2011, qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que le changement, il faut dire ça, était énorme. Je veux dire, il avait... Donc ça avait commencé quand, ce changement, en fait? Ça a commencé à 2011, disons à partir de 2010, mais c'était assez évident en 2011 et 2012, où le moment où il avait énormément d'entreprises qui étaient fermées, et des gens qui ont été virés, une grande partie des fonctionnaires aussi qui n'avaient plus de travail. Du coup, vous pouvez imaginer la population qui n'avait plus accès aux soins. Oui, avec des salaires qui étaient réduits, des réductions de salaires. Ouais. Et avec le chômage, parce que ça va ensemble. Mais en plus, il y avait des gens qui travaillaient, mais qui n'arrivaient plus à payer le montant qu'il faut payer pour avoir accès aux soins. Mais ce qui est important à dire, c'est que le moment où les médecins se sont retrouvés, ce n'est pas un hasard. Je veux dire, il avait un réseau de solidarité vers des sans-papiers, mais il avait un réseau des mouvements politiques en général qui était créé en Grèce depuis 2008. Et depuis les mobilisations qu'il y avait eu en 2008, ouais, politiques. Parce qu'à 2008, il avait un étudiant, ça c'était ce qui a allumé le feu, il avait des problèmes avant, mais il avait un étudiant qui s'est fait tuer au centre d'Athènes par un policier. Et ça crée énormément de tensions et des manifestations. Et c'était un bon moment parce que les gens se sont retrouvés ensemble et ils ont créé des mouvements de solidarité dans tout le niveau que vous pouvez imaginer. C'était assez exceptionnel, impressionnant pour la Grèce. Et du coup, disons qu'il avait une dynamique qui était déjà là en 2011. Du coup, quand en 2011, il y a eu cette grève de la faim, une nécessité de s'organiser autour des sans-papiers, il y avait déjà une dynamique de solidarité avec un réseau qui fonctionnait plus ou moins, ce qui a permis du coup en 2011 à tous ces cabinets de se multiplier en fait, enfin de se créer puis de se multiplier. Et du coup, ça fonctionne comment? Parce que financièrement, ça se passe comment? C'est qui met à disposition quoi et comment c'est financé? Puisque les patients, eux, ne payent rien, puisque précisément c'est pour aider les gens qui n'ont pas d'argent. Donc les gens ne payent rien, mais du coup, les médecins, donc eux, sont bénévoles. Et les médicaments, par exemple, comment c'est procuré, comment ça... Et au début, c'était assez difficile, mais finalement, ce petit réseau de solidarité a fait possible, en fait, qu'il y ait beaucoup de médicaments qui arrivent dans les cabinets par les hôpitaux, parce qu'il avait des directeurs d'hôpitaux qui étaient quand même assez... disons, ils avaient la volonté d'aider à cette initiative. Il avait des pharmacies. Des propriétaires de pharmacies solidaires qui ont offert beaucoup de médicaments. Et après, il y avait énormément de gens, c'était ça qui était impressionnant, de la ville, des citoyens qui allaient tous les jours déposer des médicaments dans le cabinet. Qu'ils avaient des médicaments chez eux qu'ils n'utilisaient pas. Et en plus, il avait beaucoup d'initiatives qui venaient d'autres pays. Au fur et à mesure, le travail de cabinet était de plus en plus connu, aussi en France. Et il avait d'initiatives des gens d'autres pays qui envoyaient des médicaments. Mais disons que c'était une combinaison des volontés des gens différents, des pharmacies, d'hôpitaux. Après, les gens du cabinet voulaient vraiment lier leur activité avec d'autres luttes sociales qui se passaient à ce moment en Grèce. Du coup, il avait des soirées de soutien pour le cabinet de solidarité. Il avait des concerts de soutien. Organisés par d'autres collectifs en collaboration. Lutte. Ouais. Un grand échange, en fait, entre les luttes. Mm-hmm. Et oui, c'était à peu près comme ça que ça a commencé. Et aujourd'hui, évidemment, le travail qu'ils font est beaucoup plus connu. Je peux vous dire déjà le calendrier qui sort... Pour la nouvelle année, on peut vendre beaucoup plus d'exemplaires qu'avant parce que leur travail est beaucoup plus connu. Ça donne beaucoup de ressources au cabinet. Et petit à petit, tout le monde a commencé à se rendre compte de la nécessité d'existence de ces cabinets. Mais c'est beaucoup plus difficile dans les cabinets à la campagne. Et ça, c'est important de le dire. C'était par rapport au fait que ce soit connu et que les gens viennent au cabinet, sachent qu'il y a un cabinet qui est ouvert gratuitement. Tu veux dire, c'était... Oui, c'est plus difficile par rapport à ça. Oui, et aussi d'avoir des ressources, parce que le cabinet n'était pas forcément lié l'un avec l'autre. Le cabinet de solidarité de Thessalonique n'est pas forcément lié avec le cabinet de solidarité à Larissa, qui est une autre ville de 100 000 personnes. Oui, donc selon en fait, la dynamique qu'il y a autour du cabinet, il y a plus ou moins d'aide, il y a plus ou moins d'apport. Hein, et dans les villes où le mouvement politique est beaucoup plus faible, parce qu'il n'y a pas forcément d'étudiants ou des gens qui sont impliqués dans les luttes sociales, et le travail de cabinet n'était pas connu. Ça a pris énormément de temps pour que les gens le connaissent. Et il avait beaucoup moins de soutien des citoyens de ces villes, et, ou des, surtout des médecins en plus. Il avait très peu de bénévoles, médecins qui voulaient aller offrir leurs services. Bon, bah, on va peut-être faire une petite pause musicale et puis on va continuer avec ces cabinets pour savoir où on en est aujourd'hui. Music. Μια κοινωνία ολόκληρη που πάσχει από ψυχώσεις με κέντρα ψυχιατρικά δεν πρόκειται να σώσεις. Η ψυχώση παραγωγό βαθύτερης αιτίας κυρίως οικονομικής δομής της κοινωνίας. Στη θεραπεία παραλληλά θα πρέπει να κοιτάξεις απ' την αιτία ριζικά τον κόσμο να απαλλάξεις. Και το κακό στη ρίζα του αν το αντιμετωπίσεις πολιτικο-οικονομικά θα πρέπει να χτυπήσεις. FPP, Fréquence Paris Pluriel, c'est la jungle des luttes, comme tous les troisièmes lundis du mois, en direct de 19h à 20h30 et en retransmission le jeudi matin de 8h à 9h30 avec la jungle des luttes, avec le blog La jungle des luttes où il y a tous les programmes. Et donc, comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, c'est nous qui faisons le programme une fois par mois et on essaye d'inviter des gens qui nous parlent de lutte d'ici, de là. Et là, on était avec Anastasia qui nous parlait de l'initiative de cabinets médicaux de solidarité autogérés par des médecins, des bénévoles. Donc, ça dure déjà depuis 2011 avec donc plein de relations entre les différents collectifs qui luttaient déjà depuis 2008 en Grèce. Et donc, on en est où aujourd'hui, après 4 ans de fonctionnement, avec une mobilisation importante, avec du coup une volonté au départ de pallier à un manque de l'État, puisqu'il y avait cette fameuse crise avec donc une situation de la santé catastrophique. On en est où aujourd'hui, du coup, sachant qu'effectivement, il y a eu des nouvelles élections, Syriza au pouvoir, qui, du coup, voilà, raconte-nous un petit peu où on en est. Ben, il y a deux types de situations qui existent aujourd'hui. Il y a le cabinet de solidarité à la campagne de la Grèce, où ce qu'on peut voir, c'est une fatigue énorme qui vient de la part des médecins, qu'ils n'arrivent plus à travailler autant d'air, ils n'arrivent plus à soutenir cette initiative. Ben, ils le font quand même, mais ce qu'on remarque, c'est une grande fatigue et une déception. Et de l'autre côté, il y a des cabinets dans les grandes villes, à Thessalonique, à Athènes, en Crète, où les gens qui ont créé ces cabinets, qui étaient déjà assez liés au parti politique de Syriza aussi, ils attendent. Ils attendent ces changements qu'ils attendaient depuis depuis toujours. Et il avait des promesses, il avait des engagements par rapport au système public de santé de la part de Syriza, je veux dire. Et aujourd'hui, le cabinet continue à fonctionner comme avant, mais il y a un peu un silence, il y a un mal à l'aise, disons. Parce que là, ça fait donc 3 mois qu'il est au pouvoir, à peu près, c'est ça, 3, ouais. 4... Il y a des annonces que le ministère de Santé a fait. Et ils ont annoncé qu'il aura quand même le moyen, le gouvernement aura le moyen de donner un petit carnet de santé à une grande partie de la population qui n'a pas accès aux soins. Et que ça pourrait soulager, disons, le travail des cabinets de solidarité. Petit carnet permettant d'avoir des soins gratuits. Gratuits dans les hôpitaux. Oui, au sein de système public. Mais ça, ce n'est pas mis en place encore. Et même si c'est mis en place, ça ne va pas résoudre le problème du système de santé. Oui, parce que c'est profond, l'écroulement de ce système était... À mon avis, c'est irréversible aujourd'hui. Irréversible, merci. Et les gens qui attendaient que Syriza vienne au pouvoir pour que les cabinets soient plus nécessaires, indispensables, ils attendent, s'arment de patience. Ouais. Et il a beaucoup de critiques en même temps, qui viennent d'autre part. Et la critique, c'est de cette sorte, en fait, qui est... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous n'étiez pas censé être là le moment où on allait avoir un gouvernement de gauche radicale. Et c'est quoi votre position vis-à-vis par rapport au pouvoir en place vis-à-vis à ces gouvernements qui, pour le moment, n'a pas fait grand-chose. Mais puisque c'est le début, on est en situation d'attente. Oui, ben en plus, c'est surtout plus compliqué s'il y a des gens qui espèrent de l'institution publique, du coup. Exactement. Parce que ceux qui ont mis en place ces cabinets, s'ils espèrent au loin que c'est l'institution qui va pouvoir résorber le manque, alors qu'en général, c'est plutôt dans l'autre sens que le système est en train d'aller, à retirer toujours un peu les droits des uns, des autres, et forcément plus pauvres. Le cabinet, il est censé devoir pouvoir exister longtemps si on est réaliste et qu'on se dit qu'il n'y aura probablement pas non plus de changement en 3 mois, ni même en 3 ans peut-être. Enfin, ouais. Après, du coup, la difficulté, c'est s'ils attendent que ça se fasse sans continuer à pouvoir redynamiser les cabinets médicaux. Ouais. En tous les cas, c'est une initiative qu'on peut saluer au départ. Après, je pense que le piège, ça va être toujours celui de l'institution. C'est que si t'attends, c'est là qu'il y avait le vice, le verre était dans la pomme déjà. Il y a quand même des petites initiatives, disons, des cabinets de solidarité qui sont un peu loin de tout ça. Ils n'entendent plus... ils n'entendaient jamais, depuis le début, l'État devenir... Donc avec un caractère plus autonome. Ouais, ça existe, mais c'est pas les cabinets, c'est pas la majorité, et c'est pas les cabinets qu'ils ont pu accueillir la plupart des gens. Des patients. Mais ça existe. Tu veux ça, dire que les cabinets autonomes, ils sont pas forcément à Thessalonique et à Athènes. Qu'à Athènes et à Thessalonique, c'est plutôt des cabinets. Même en Athènes, il y a des cabinets aussi. Il y a d'autres cabinets. Il n'y a pas que des cabinets médicaux de solidarité comme on les connaît, mais c'est des petites initiatives qui c'est important de mentionner aussi, et qui sont un peu plus, disons, indépendants de cette histoire de partis politiques de Syriza, et qui n'ont jamais vraiment espéré la solution de venir de là-bas. Mais bon, c'est ça. En tous les cas, ils sont là, ils sont encore là. Donc, merci beaucoup pour ta participation. Merci à vous. Merci. Et on suivra si jamais il y a d'autres initiatives en Grèce. On reparlera justement peut-être de cette histoire de mine d'or, puisque la mine d'or, avec Syriza, il n'y a pas eu de changement non plus. Oui, le changement, c'est que la police, au lieu d'attaquer les gens, elle est en train de séparer les gens qui sont en train de se battre entre eux, parce qu'évidemment, puisqu'il n'a pas on n'a pas eu de solution que le gouvernement avait promis, les deux côtés, les gens qui soutiennent les mines d'or et d'autres qui ne soutiennent pas, ils sont en train de s'exploser. Et on attend. En plus, avec cette histoire, on attend Syriza. Mais disons qu'on attend. Bon, on fait une petite pause musicale et on va passer sur le Mexique. San Michele. Merci. Aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte e miele. Γιατί έλειπα καιρό. Τα δάκρυα μου δεν σας λένε κάτι. Λοιπόν διηγηθείτε μου τι έγινε εδώ. Να βρω ξανά του νήματος στην άκρη. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας που κάνουν τα καλάμια να λυγίζουν στα όρια των κοραφιών και εν μέσω άπνοιας τα μέτωπα των αγρότων δροσίζουν. Πείτε μου εκείνες τις ιστορίες σας. Φωτογραφίες δείξτε μου αυτών που Κυριακή γεννήθηκαν και εκείνων που έχουν πέσει από τη βάρκα λίγο πριν φτάσει στην ακτή, γιατί η ζωή τους πια δεν τους αρέσει. Τα τραγούδια πείτε μου που λέτε την αυγή, σας δίνουνε τα φώτα στην πλατεία, καθώς και τα απογεύματα μετά την προσευχή και πριν να ξεκινήσει η αλήθεια. Τα τραγούδια πείτε μου που λέτε την αυγή. Συνεχίζουν πείτε μου κοιτώντας τη φωτιά οι άνθρωποι να κάθονται στις φέρνες και αν οι ομορφότερες γυναίκες τα κρυφά κάτω από τη γλώσσα εκτρέφουν σμέρνες. Πείτε μου ακόμα αν έρχεται στην άκρη του χωριού ο λύκος του θανάτου τους χειμώνες που σαν κουνούσε τίμουρα το γάλα έπιζε στα τρομαγμένα στήθη απ' τις λεχόνες. Πείτε μου ακόμα αν έρχεται στην άκρη του χωριού. Πείτε μου μη βρέθηκε κι σκάφη που παλιά λουζόμουνα με ήλιο και με χιόνι ή τα μαλλιά που φύλαξε απ' την πρώτη μου κουρά η μάνα που ακόμα ρούχα πλώνει. Το πτυελοδοχείο του Μπακούν είναι το χιτό. Συντρόφια, μήπως βρέθηκε και εκείνο. Να φτύσω μέσα με οργή που είναι σε εποχές. Με κάνουνε να μοιάζω με κρετίνο. Δεν μ' αναγνωρίζετε γιατί έλειπα. Dans 6.3, Fréquence Paris Pluriel, la jungle des luttes, donc notre programme mensuel, tous les troisièmes lundis du mois. Ben voilà, j'étais partie 2 mois au Mexique, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de trucs, j'avais envie de partager un peu avec vous plus ce qui s'est passé au Chiapas, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, vécu. Il y a Pablo qui est avec moi, notre pote technicien d'il y a très longtemps qui est venu faire une petite visite. Les coïncidences, le monde est petit, les copains de copains de copains. Et voilà, c'est Anastasia qu'on connaît à peine qui nous le ramène. Donc voilà, du coup, comme ça, je ne vais pas parler toute seule. Oui, j'ai dire bonjour à tous et toutes. Et comme ça, il me pose des questions éventuellement, ou s'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc voilà, du coup, bah voilà, février, mars, au Mexique, surtout en fait au Chiapas. Très contente d'avoir retrouvé le Chiapas et des compas, des apatistes en lutte depuis 21 ans maintenant. Donc on déclarait la guerre, pour ceux qui ne savent pas, à l'État qui s'est organisé avec une armée et qui a surtout en vérité développé un travail politique. Sachant qu'en réalité, c'est tout un tas de communautés qui est organisé politiquement pour résister aux politiques capitalistes, si on veut faire court. Et donc qui, justement, développent leur santé, leur éducation, leur production, essayer de trouver des alternatives, de construire, d'inventer, et avec énormément de solidarité. La solidarité, c'est important. Grâce à la solidarité, ils ont pu peut-être éviter les coûts, et puis inventer, avoir des moyens avec des aides. Et puis, évidemment, le vrai travail, c'est eux qui le font et qui le fournissent tous les jours. C'est un travail de réunion, d'organisation. Et donc, voilà, toutes ces communautés qui sont autonomes vis-à-vis du gouvernement développent tout un tas de projets. Parfois, échouent, leur connaissent, ils se sont mal préparés, ils ont mal évalué. Et donc, je pense que c'est aussi le secret de ce mouvement qui dure depuis 21 ans. C'est une détermination, une capacité à s'autocritiquer. Et puis d'être solidaire avec les autres luttes aussi. Oui, et en plus avec toute cette génération qui a grandi déjà dans les projets qui sont 100% vécu sa vie en zapatiste. Alors moi, je suis très curieuse de voir parce qu'à l'époque, quand j'étais là, et j'ai vu les enfants qui maintenant sont des adultes et qui peut-être ont croisé maintenant et... Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, après 21 ans, il y a des... quand on va dans les communautés, on retrouve les mêmes personnes, évidemment, mais avec du coup les anciens, enfin, ou les plus âgés, qui commencent à se désinvestir, donc qui n'ont plus véritablement de charge, qui vont toujours aux réunions, puisque ça, c'est toutes les communautés qui assistent aux réunions, mais finalement... qu'on chargeait des jeunes, donc ça fait quelques années qu'il y a des jeunes, de plus en plus de jeunes, et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, là c'est vrai que 2015, c'est des groupes, des collectifs, des gens qui sont chargés, des promoteurs d'éducation, de santé, qui ont entre 15 et 25 ans, avec du coup une responsabilité pour eux, et en même temps une sorte de facilité à pouvoir... travailler pour leur communauté, pour leur organisation, assez facilement, sachant qu'ils ont toujours vu ce mode-là. C'est-à-dire que c'est un mode qu'ils ont toujours connu et ils attendaient depuis toujours un jour de pouvoir avoir cette place, cette charge, cette responsabilité pour pouvoir participer à ce processus auquel ils participent, ils bénéficient. Donc après, il y a toujours la difficulté parce que je pense qu'il y a toujours... peut-être des endroits où on ne choisit pas toujours sa charge, puisque en fait c'est vraiment une responsabilité, mais qui est une charge, c'est-à-dire que tu es plutôt désigné que toi à te proposer, tu ne te proposes pas forcément, tu es surtout désigné en fonction aussi de tes capacités qui sont vues par la communauté, etc. Donc du coup, parfois, tu as une charge que tu n'as pas envie de porter. Mais en réalité, j'ai plus vu ça avant, quand les gens n'avaient pas toujours eu cette idée qu'ils allaient devoir un jour porter une charge, puis une autre, parce qu'en fait, il y en a plein des charges. Donc en fait, un jour, tu as eu 3 ans, tu as la charge, mais 3 ans après, tu as une autre charge. Et donc du coup, tu peux parfois, pendant plusieurs années, avoir des responsabilités pour le collectif. Et là, j'ai l'impression que ceux qui sont en charge sont assez motivés, ce qui était super plaisant de voir des gens qui étaient en charge, mais jeunes et contents. Donc tu te dis qu'il y a un avenir, en fait, surtout. Tu te dis qu'a priori, cette nouvelle génération, elle est en train de protéger ce travail-là qui a été fait et qui est remis entre leurs mains, en fait. Voilà, c'est intéressant aussi parce que tu es dans un contexte spécial. Je sais qu'il vient d'inaugurer une école et peut-être tu peux nous parler un peu de ça. Une clinique de santé. Ouais, c'est ça, parce que quand on parlait de santé autonome et d'éducation autonome, donc la santé et l'éducation, c'est la base, sachant qu'ils sont paysans, donc la production, ils continuent à produire. Et évidemment, à chercher des réseaux où ils peuvent écouler leurs marchandises sur des réseaux alternatifs et pas forcément aux vilains commerçants et de coyotes, comme on l'appelle. Et du coup, au niveau de la santé et de l'éducation, ils ont énormément avancé. Et en fait, peut-être que ceux qui nous écoutent régulièrement ou ceux qui connaissent un peu le Mexique se rappellent que l'année dernière, au mois de mai, il y a eu l'assassinat de Galeano. Compagno Galeano, oui. Ce qui a fait que le sous-commandant Marcos n'est plus, mais on parle aujourd'hui du sous-commandant Galeano en mémoire à Galeano, donc lui-même. Maître de la petite école, enfin en tous les cas, qui était une personne qui avait des responsabilités au niveau collectif. Voilà. Et donc son assassinat, en fait son exécution, parce que en fait c'est vraiment une exécution avec plusieurs balles. Il a donc tué par des paramilitaires à la Realidad, qui est une des zones zapatistes. Donc il y a 5 zones zapatistes et l'une des zones qui appartient au caracol de la Realidad. Et donc cette Galeano a été assassinée donc il y a 1 an. Et par la même occasion, une école et une clinique avaient été détruites. Et grâce au mouvement de solidarité, il y avait eu un appel à la solidarité pour reconstruire la clinique et l'école. Et donc très rapidement, les zapatistes avaient reçu plus qu'il ne fallait pour reconstruire tout ça. Ouais. Et donc, du coup, ils ont reconstruit cette école et cette clinique qui a été inaugurée il y a 1 mois entre eux, je crois. Et puis, donc là, il y a de nouveau une inauguration qui va se faire avec le public. Il y a eu des fresques de peintres. Et donc, du coup, il y a maintenant un bâtiment, un joli bâtiment au bord de l'eau. Il y a eu évidemment des changements qui ont dû se faire dans la communauté. Et avec énormément d'enfants dans cette école, il y a au moins 80 mômes. Enfin, en tous les cas, il y a 4 classes. Il y a plein d'enfants. Et donc, c'est la Realidad, finalement, qui a connu des moments difficiles. Aujourd'hui, c'était un beau moment de voir cette école peuplée de plein de mômes, très contents d'être à l'école, une clinique toute neuve. Donc, l'un dans l'autre, finalement, ils ont réussi à pouvoir remonter la situation. Ouais, ouais. Et grâce à l'argent qu'il y a en plus de cette solidarité qui est arrivée, il y a différents projets qui sont mis en place par les apatistes qui profitent de ces dons. Et donc, il y a un collectif de femmes qui va ouvrir un comedor et à la Realidad et une boutique. Et puis, il y a tout plein d'autres projets encore, d'autres collectifs. Ça, c'est des projets qui sont décidés par les gens, pas par une commandance comme tout ce qui se fait chez les apatistes. Donc il y a eu des réunions et donc les gens ont décidé de ce qu'ils allaient faire, de ces sous qu'ils avaient reçus en plus. Et donc ce qui était intéressant aussi à la Realidad quand on y est allé, c'était de pouvoir aussi apporter pas seulement de la solidarité, mais aussi être dans un échange. Et donc on a été avec un copain de Notre-Dame-des-Landes et un copain qui est plus sur Paris, qui eux ont apporté une exposition sur la lutte de Notre-Dame-des-Landes, donc contre le fameux aéroport qui est dans la région de Nantes. Et donc, il y a eu une expo de photos qui montrait donc autant des photos de lutte contre la police que le travail qu'ils font, travail de culture, puisqu'ils occupent les terres à Notre-Dame-des-Landes, là où l'aéroport est censé être construit. Et donc, du coup, il y a eu cette expo. Donc, ça permet de discuter, de partager, de dire qu'il y a aussi des gens qui luttent ailleurs et qui voient aussi comment ça se passe, de voir des photos des cabanes, puisque donc, toute cette zone occupée d'aéroports, il y a plein de cabanes. Donc, il y a aussi des cultures. Ils cultivent des fleurs. Donc, il y en a qui mangent des fleurs. Donc, il y a une photo où il y a une assiette avec des fleurs. Et donc, c'était assez rigolo parce qu'il y a une femme... Zapatiste qui passe et qui dit « Alors, compañera, t'as compris là l'expo, ça t'a plu ?»« Mais j'ai pas compris, ils mangent des fleurs !» Donc c'est des petits échanges, des petits détails comme ça en fait, des petites choses comme ça où ça te permet aussi de raconter ce que c'est la réalité de gens ailleurs. Pour eux, c'est quand même très loin, la France, notre monde, etc. Et donc du coup, là, c'était une expo de photos qui racontait plein de choses sur cette lutte. Et aussi une autre expo sur les violences policières. Et donc, ça a tourné dans la communauté, ça. Donc du coup, on a fait cette exposition dans la communauté de la Realidad. Okay. Après, on a rentré cette exposition à l'intérieur du Caracol. Et on était allés. Et donc, après, eux, ils vont essayer de la faire tourner à leur façon. Je crois que notre décision, c'était de leur remettre avec le matériel pour pouvoir le réaccrocher de façon très simple avec des cordes et des épingles à linge, pas très compliqué. Et on avait auparavant été à Morelia avec le copain de Notre-Dame-des-Landes où on avait présenté cette même expo. Et on leur a également laissé l'exemplaire pour qu'ils puissent continuer à l'exposer et faire tourner. Sachant que ceux de Notre-Dame-des-Landes étaient venus, eux, donc pour le Festival des Résistances en décembre. Mmh. Et ils avaient préparé une petite revue, un petit fascicule qui racontait qui raconte leur lutte, un peu leur processus. Donc on a aussi laissé ça. Ils l'avaient fait en espagnol, évidemment. Mmh. Donc du coup, on a essayé un petit peu de faire passer des messages de la même façon que cette exposition, elle va être aussi décidée au mois de mai. Avec celle aussi contre les violences policières, ou du moins qui dénonce les violences policières dont peuvent souffrir des gens ici en France aussi. Et pas seulement Rémi Fraisse qu'on connaît plus dans le cadre d'une lutte, mais Lamine, etc. Enfin, donc toutes les différents cas qui peuvent être recensés ici sur la région parisienne notamment, ou en France. Donc voilà, cette petite expo qui va être aussi décidée aussi, puisque au mois de mai, il y a... des séminaires autour de la disparition de Luis Villoro et un autre justement lié à la disparition de Galeano. Oui, voilà. Donc du coup, voilà, l'idée, c'est aussi un petit peu de continuer ce festival des résistances, qu'il y ait des échanges, etc., que ça puisse tourner, que les informations ne soient pas que dans un sens et dans l'autre, et qu'éventuellement la solidarité aussi se fasse dans les deux sens, puisque les apatistes sont toujours solidaires avec d'autres. Mmh. Ouais. Et ont besoin de la lutte des autres, sinon leur autonomie n'a aucun sens. Ce qui est quand même aussi important de préciser quand on parle des apatistes, c'est qu'ils attendent que toutes les autres luttes prennent elles aussi de l'ampleur et que ça finisse par faire un tout où tu te dis bon, on va en finir, acabar con el capitalisme. Bon, on n'y est pas encore, mais je pense que voilà, c'est important de créer ces échanges avec le festival était dans ce cadre-là. D'accord. Ah, mais c'est super. Je suis content d'entendre tout ça, oui. On va faire une petite pause musicale. Il m'a fait signe, le copain technicien. Là. Desde hace tiempo casi

auquel a participé d'ailleurs Nicolas Desfossés, qu'on connaît, qui fait des beaux films aussi. Donc ils ont fait un beau film, plein de beaux montages. C'est Acuérdate de Acapulco 2013, hein. C'était assez récent, même si ça a été fait déjà sur plusieurs années. Et donc on a fait un petit interview hier avec Ludo, qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Donc on va mettre un petit morceau qui fait partie du film. Je ne sais pas si on est prêt, non, pas tout à fait. Et donc voilà, du coup, si c'est pas prêt, c'est pas grave, on met que l'interview. Donc c'est bon, on y va. À tout de suite, Acuérdate de Acapulco. Bonjour, on a eu le plaisir de voir ton film documentaire Souviens-toi d'Acapulco, c'est le titre en français, Acuérdate de Acapulco en espagnol. C'était un film, parce que justement j'ai trouvé que c'était fait comme un film avec beaucoup de travail sur le côté esthétique, la musique. Il y a du temps, on prend du temps comme dans un film, et donc il y a une dimension documentaire parce qu'il y a une information qui est passée, mais en même temps il n'y a pas ce côté didactique où on veut t'expliquer ce qu'il faut comprendre, tu le comprends toi-même, et du coup la dimension cinématographique elle te permet bien de prendre du recul aussi sur ce que tu viens de voir, puisque donc on est sur Acapulco, une ville dont tout le monde connaît le nom plus pour ses plages, mais en réalité donc c'est l'état du Guerrero, donc un état de la République du Mexique où il y a justement beaucoup d'événements dernièrement, on en a entendu parler avec la disparition des jeunes étudiants, et donc Acapulco c'est le centre de ton film documentaire. tu vas nous en parler, nous raconter comment tu as eu envie de faire ce film, ce qui... Voilà ce que ça a été comme aventure. J'imagine que ça a été une aventure de pouvoir rencontrer tous ces personnages qui nous racontent un peu la ville. Bon, je te laisse en parler. C'était un beau film en tout cas. Oui, donc en fait, c'est vrai qu'effectivement, on pourrait dire que c'est un documentaire cinématographique. Alors, c'est, je l'ai conçu comme ça. C'est un style, on va dire, qui existe, hein, en relation peut-être, qui est peut-être un peu différent du documentaire qui va être plus d'investigation. Et là, effectivement, c'est pas du tout un documentaire d'investigation parce que nous, c'est un film, on parle d'Acapulco, je parle d'Acapulco, aussi de la violence qui est à Acapulco, violence sociale, violence politique, violence du narcotrafic. Mais d'un certain côté, cette violence, elle est toujours un petit peu hors champ. On en parle beaucoup, mais on la voit pas tout le temps. Et à la différence, par exemple, de, je sais pas, quelqu'un qui aurait pu faire un documentaire qui aurait été, par exemple, sur la guerre des cartels et quel cartel va attaquer, qui est derrière quel groupe de sicaires, etc. Et c'est pas ça que j'ai fait, en fait. Alors effectivement, j'ai essayé de faire aussi un film où il y a plusieurs niveaux de lecture. Certains niveaux, on va dire, qui parlent plus des problèmes du Mexique actuel. Parce qu'en plus, Acapulco, oui, alors j'ai choisi Acapulco parce que c'est un mythe du Mexique. C'est une des villes les plus connues au Mexique. C'est la première station balnéaire. Et donc, c'est un peu ma vision du Mexique que j'exprime dans ce film. Ma vision aussi du tourisme de masse et de la société dans laquelle on vit, qui est une société très spectaculaire, justement, qui est dédiée au spectacle. Et dans ce sens, c'est pour moi la représentation de cette société du spectacle dans laquelle nous vivons. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toujours des passages entre la réalité et la fiction dans ce film. C'est pour montrer que... dire que ma théorie, c'est j'ai trouvé des personnages qui ont tous un rapport avec le spectacle et qui doivent survivre dans cette ville d'Acapulco comme étant les esclaves de cette société qui fait que à chaque fois, alors je reprends, c'est-à-dire qu'Acapulco doit survivre. La seule façon pour Acapulco de survivre, c'est de recevoir les touristes pendant la période de la Semaine Sainte. C'est l'équivalent des grandes vacances pour les Français. Et c'est-à-dire que tout le monde dans la ville doit se sacrifier d'une certaine manière pour réserver le meilleur accueil aux touristes et empêcher qu'on parle mal de cette ville, empêcher que la violence vienne effrayer les touristes, parce que cette ville ne tient qu'à ça. Elle est dédiée à 100% au tourisme de masse. Donc c'est pour ça qu'il y a un traitement aussi parfois un peu fictionnel. C'est pour rappeler ça, cette espèce de jeu dans lequel sont les personnages. Et ils ont tous, donc il y a 5 personnages, ils ont tous quelque chose à voir avec le spectacle. L'un est politique et en même temps acteur. L'autre est un jeune homme qui fait une pièce qui joue dans une espèce d'opéra qui représente la vie du Christ. Donc il y a une femme qui travaille dans les bars de la nuit. Donc en fait voilà, c'est tous des personnages qui sont condamnés à vivre dans cette ville et qui sont condamnés à se sacrifier en quelque sorte pour cette société du spectacle qui elle-même les exploite et qui vit par eux et pour eux et pour les touristes aussi. Alors, j'enchaîne, mais c'est un petit peu un conflit que j'ai eu de temps en temps parce qu'on m'a dit mais pourquoi tu parles mal d'Acapulco, on a besoin de faire venir les touristes. Et alors déjà, moi, ce que je réponds, c'est que je ne suis pas un promoteur touristique. Et en fin de compte, c'est d'ailleurs, moi, c'est ce que je dénonce. Tu parles pas mal d'Acapulco. Oui, au final, oui, je ne parle pas si mal que ça. Et justement, en fait, c'est ça qui est assez curieux parce que, justement, la question de quelqu'un, c'est est-ce qu'on peut y aller à Acapulco ? Tu as envie d'y aller à Acapulco, en fait, quand tu vois tous ces personnages, tout en sachant que tu n'y vas justement pas pour ces plages, mais bah, parce que tu te dis, voilà, tous ces personnages, on a envie de les rencontrer. Alors oui, c'est vrai aussi, c'est vrai qu'il y a déjà tous les personnages, tous ils aiment Acapulco, hein, même si ils vivent dans des conditions très difficiles, certains ils aiment Acapulco et ils en sortiraient pas, ils en partiraient pas. En plus de ça, c'est vrai qu'il y a quand même, il y a un charme, cette ville a un charme, même en quelque sorte dans la décadence, quoi. Il y a un charme dans cette décadence et dans le même dans l'urbanisme qui est complètement désorganisé, mais qui d'un côté effectivement a un petit côté rétro, rétro-décalant. Ouais. Et donc, oui. Du coup, justement, tu as utilisé beaucoup d'images d'archives mm-hmm. pour justement rendre un peu à Acapulco ses grandes heures, ses heures de gloire, etc. Du coup, ça a été un long travail aussi. Effectivement, alors les archives en elles-mêmes, souvent, sont des extraits de films où apparaît donc Maria Félix, qui est une actrice mexicaine très connue, qui est en fait l'équivalent d'Acapulco pour le cinéma mexicain. L'Acapulco pour le tourisme, c'est le mythe, c'est le lieu touristique principal. Maria Félix, c'est l'actrice la plus connue du Mexique, la diva. Et les deux sont associés, le titre même du film, Acuérdate de Acapulco, c'est l'une chanson qui a été composée en l'honneur de Maria Félix. Et c'était le compositeur Agustín Lara qui se remémorait la lune de miel qu'ils avaient passée à Acapulco dans les années 40. Donc en fait, ce film, oui, parce qu'à Acapulco, ce qui se passe, c'est que tout le monde parle avec nostalgie du passé. Donc tout le monde le conçoit comme une espèce de paradis perdu et va jouer sur cette image pour essayer d'attirer les touristes. Tout le temps, malgré tous les problèmes qu'il y a. Donc les problèmes, ça peut être la violence, du narcotrafic, mais il y a aussi les inondations, etc. Il y a énormément de problèmes. Et puis actuellement, l'instabilité sociale depuis la disparition des étudiants l'année dernière. Et donc en fait, il y a toujours cette idée de nostalgie. Et donc ces images d'archives, elles me permettent de rappeler cette nostalgie. Alors on va dire qu'il y a deux points de vue. Il y a un premier point de vue dans le film où on dit effectivement Acapulco est un paradis perdu parce qu'avant tout le monde était content, tout le monde était heureux. Tout le monde était des stars parce que c'était là où allaient les stars en vacances, hein, John Wayne, Wes Miller, etc. Et les grands du cinéma mexicain. Mais en même temps, ce que je montre après, c'est que même déjà rien que dans les années 60, on a eu des massacres à Acapulco, les fameux producteurs de noix de coco, les copreros. Acapulco, c'est le symbole de cette espèce de tourisme de masse contrôlé par des mafieux, en fait, qui ont participé à l'urbanisation d'une ville et qui ont complètement ignoré la campagne autour, qui est en fait tout l'état du Guerrero. Et ça dure depuis 50 ans, 60 ans, au moins, depuis la création d'Acapulco. Donc en fait, c'est au nom du progrès, c'est nier toute une partie de la population, nier toutes des formes de culture, des traditions, et qui se retrouvent aujourd'hui dans les conflits qu'on a, parce que si on regarde par exemple les étudiants d'Ayotzinapa, ils défendent une certaine conception de la campagne. Ils essaient de récupérer la campagne mexicaine, qui a été complètement sinistrée par les accords de libre-échange et par la notion de progrès et par le fait qu'on préfère pousser, il y a une logique qui vise à pousser les paysans à émigrer, soit à la ville, soit aux États-Unis, ou à les obliger à faire de la, à cultiver du pavot ou de la marijuana. Donc en fait, en quelque sorte, c'est toujours ce conflit entre campagne et ville. On a d'un côté le symbole du progrès au Mexique au XXe siècle, ce serait Acapulco, et à côté donc des campagnes sinistrées avec des jeunes gens qui se font éliminer quand ils essaient de s'organiser, non, de se révolter contre cet état des choses. Et tu as eu peut-être l'occasion de montrer ce film là-bas sur place, mm-hmm. ou ouais? Il a tourné au Mexique, il est au Guerrero. Oui, il a été présenté pas mal de fois au Mexique et à Acapulco aussi. J'ai le présenté trois fois à Acapulco et au Mexique, dans plusieurs festivals, etc. En général, il est bien reçu. J'ai eu souvent la critique, une critique intéressante qui était. Parce que c'est un film où on parle beaucoup de syncrétisme, donc la relation entre la religion, le tourisme, la politique, et donc parfois j'ai eu des bonnes critiques là-dessus. Acapulco, il a été bien reçu aussi. Au début, j'étais un peu méfiant parce que c'est vrai qu'il y a quand même des personnages qui ont un avis sur la ville qui est assez provocateur, voilà, tranché et provocateur. Mais en fin de compte, ça va, les gens l'ont trouvé très intéressant. Ben justement, la présentation parisienne là, qu'on a fait le 16 avril, il y avait une dame d'Acapulco qui était ravie aussi de voir une image plus ironique et en fin de compte qui est peut-être plus en relation avec l'état d'esprit mexicain, qui est, parce que les Mexicains sont très ironiques, ils ont un grand sens de l'humour, en comparaison avec des productions qui se font sur Acapulco. Actuellement, il y a eu un film qui s'appelait No Habrá Devoluciones, qui a eu des records au box-office aux États-Unis. Mais c'est un film humoristique, avec une histoire très banale. Et donc le personnage principal, il vient d'Acapulco, mais c'est le cliché du costeño, donc c'est-à-dire des gens qui habitent dans cette région. Et je veux dire que c'est un film qui, à mon avis, est un film idiot. Mais il y a des gens à qui ça fait plaisir d'avoir un autre point de vue, plus sensé, avec plusieurs stades de lecture, avec plusieurs pistes de lecture. Donc voilà, ça fait plaisir quand des gens d'Acapulco vont me voir et me disent qu'ils ont aimé le film. Et alors justement, on peut le trouver comment, ce film? Alors Parce que, donc bon, alors le DVD est en vente à Quilombo, donc la librairie Quilombo. Il est aussi dans le 20 et 23 rue Voltaire, donc dans le 11e à Paris. Voilà, donc à Quilombo, 23 rue Voltaire, dans le 11e à Paris. Il est aussi sur le catalogue de Quilombo, qui doit être librairie-quilombo.org. Alors Quilombo, je précise, ça s'écrit Quilombo. On peut le trouver aussi à la librairie de la Cinémathèque française. Et en province, on peut le trouver à l'Athénée Libertaire à Bordeaux, à la librairie du Muguet. Voilà. S'il y a des gens qui nous écoutent depuis Bordeaux, ce qui m'étonnerait, mais là, par internet, les gens peuvent réécouter éventuellement notre émission, La Jungle des Luttes. D'accord, parfait. Donc voilà. Donc en fait, pour l'instant, c'est trois lieux. Après, il y a une page. Alors s'il y a des gens qui utilisent le réseau bleu de Facebook, il y a une page Facebook qui est Acuerdate de Acapulco Film, sur laquelle on met pas mal de tout ce qui a trait au film. Donc s'il y a par exemple un distributeur qui va le distribuer, c'est ce qu'on peut mettre là. Et aussi un site internet, acuerdatedeacapulco-film.com. Bon, donc là il y a toutes les informations pour Et t'as le projet d'un autre documentaire, d'un autre film au Mexique toujours, ou raconte-nous peut-être. Ça, je sais pas d'ailleurs, on en a pas parlé encore. Le Guerrero, donc moi j'ai fait ce film à Cuarate de Acapulco. Avant, j'avais déjà fait un film dans l'état du Guerrero qui s'appelle Le crime de Zacarías Barrientos, qui parle des disparitions forcées dans l'état du Guerrero, mais dans les années 70. Et depuis, et en fait, ça fait une douzaine d'années que je filme dans cet état. Donc là, actuellement, je suis en train de faire un nouveau film qui va avoir quelque chose à voir avec l'histoire de violence politique dans l'état, donc du Guerrero, de répression. Ça va être une histoire de la répression au Guerrero, et en même temps, sur les activistes aujourd'hui dans cet état, comment ils luttent, en fait. Voilà, ça va être sur la lutte des activistes aujourd'hui dans l'état du Guerrero. Et donc là, t'as déjà un petit peu avancé, ou t'en es où? Oui, je suis en train de filmer. Puis en fait, je reprends des images que j'ai fait les 12 dernières années, et en même temps, je suis assez avancé. Après, là, on est. Il y a beaucoup de choses, en fait, parce que en fait, la prochaine étape, c'est le 7 juin, parce que c'est le jour des élections au Guerrero. Donc, il y a tout un mouvement, le mouvement social au Guerrero. A appelé, en fait c'est plutôt les parents des disparus qui ont appelé à annuler les élections. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas les conditions pour qu'il y ait des candidats qui n'aient rien à voir avec, qui ne soient pas corrompus, qui arrivent au pouvoir. Donc en fait, eux ont appelé à annuler les élections, donc il y a tout un mouvement social qui est en train de s'organiser pour essayer de les annuler. Et en même temps, mettre en place, au moins dans certaines régions peut-être, des zones de municipalités autonomes basé sur des assemblées, un petit peu au même titre que les gouvernements autonomes qui existent au Chiapas. Donc là, c'est un peu la prochaine date, c'est le mois de juin, début juin, voir ce qui va se passer à propos des élections. Et puis après, l'idée, c'est de suivre aussi ces gens-là dans leur Si jamais certains décident de mettre en place des municipes ou des municipalités autonomes, l'idée c'est de suivre leur progression et voir comment ils tiennent aussi, parce que ça va pas être simple. S'ils arrivent déjà à mettre quelque chose en place, il va falloir le défendre. Donc voilà, c'est voir un petit peu, ça va prendre du temps, mais c'est ça qui est bien, c'est prendre du temps. Voilà, voir cette évolution. Bon, donc on a hâte de voir, on prendra le temps. Oui, bah oui. J'ai rajouté quelque chose. Oui, j'étais en train de penser, mais c'est voilà les prochaines dates, quoi. Mais c'est ça, hein. De toute façon, je crois que vous allez en parler dans l'émission. Donc, il y a là le 7 juin les élections nationales, mais surtout au Guerrero. Mais avant, au mois de mai, il y a les parents donc des jeunes disparus qui vont arriver à Paris. Je ne sais plus quelle date, c'est 3-4 mai. Voilà, 3-4 mai. Où il y aura donc effectivement une manifestation le dimanche et puis le lundi soir une rencontre, une discussion à la salle, à la Maison Basque, à Garibaldi. Et donc on aura l'occasion de partager et de voir un petit peu aussi de notre côté ce qu'il peut y avoir comme violence policière aussi avec d'autres collectifs ou d'autres familles selon les invités qui seront présents. D'accord, et en plus de ça, il y aura donc le 14 juillet avec l'invitation Peña Nieto, donc le président mexicain, est invité d'honneur au défilé. Donc je suppose qu'il y aura des gens à Paris et autre part en France qui feront des actions, je ne sais pas. En tout cas, espérons. On va s'y préparer. En tous les cas, on va se préparer à sa venue, on verra ce qu'on fera. En tous les cas, merci beaucoup Ludo, tiens-nous au courant quant à ton film de près et puis merci d'être là avec nous. Eh bien, merci à vous et bonjour à tout le monde. FPP, la jungle des luttes. On termine justement, donc vous l'avez entendu, avec Ayotzinapa. On en parlait avec Ludo, on a fini l'interview avec Ludo là-dessus, sur la venue des parents notamment, donc les parents des 43 étudiants disparus de l'état du Guerrero au Mexique. Et donc il y a Janela qui est avec nous du collectif Paris Ayotzinapa. Merci d'être là, bonsoir. Merci de nous inviter. Et donc, bah, raconte-nous peut-être un peu ce collectif, rapidement, qui vous êtes. Et puis surtout, bah, voilà, nous, on vous connaît déjà parce qu'on organise justement cette venue avec plusieurs collectifs. Mais si tu peux nous raconter vite fait votre collectif et puis ce que c'est Ayotzinapa pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oui. Alors, merci de nous inviter. Nous sommes le collectif Paris Ayotzinapa qui est né à la suite d'un événement tragique qui s'est passé le 26 septembre 2014 au Mexique, dans une région de Guerrero qui est très souffrante, on va dire, qui souffre depuis des années la répression de l'État du gouvernement. Et je veux rappeler que l'école normale d'Ayotzinapa, de l'État de Guerrero, est née conforme à un mouvement social qui lutte pour une éducation digne et au service du peuple. Donc, c'est des étudiants qui, avec très peu de recours, des moyens, et que l'État, au fil des années, va limiter, désengage, et il va les laisser. Ils sont obligés de se mobiliser, de faire des manifestations ou des récoltes. Et déjà en 2011, par exemple, lors d'une protestation, d'une marche de protestation, le gouvernement mexicain, la police, a tué pendant cette protestation, deux étudiants en 2011. Mais c'est parti de cette école normale. Parce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, c'est continuer la tradition des universités, de l'école d'Ayotzinapa qui consiste à devenir des professeurs dans les zones rurales du Mexique. C'est un héritage de la révolution mexicaine. Et donc, la réponse, si vous voulez, de l'État mexicain, du gouvernement, c'est à chaque fois la criminalisation et la répression, non, de cette école, de toute la population, en fait, parce que la population est très solidaire. Donc, le 26 septembre de l'année dernière, des étudiants allaient faire des botéons, voilà, des récoltes d'argent. Et lorsqu'ils étaient épris d'une répression sanglante, par exemple, dans les premiers moments, il y a 6 personnes qui sont mortes, dont 2 étudiants, dans des conditions atroces. Un étudiant a été retrouvé sans son visage, on l'a arraché. 43 étudiants vont disparaître à ces moments-là, sous les yeux, dans les mains de la police de cet État et des fédéraux. Et même l'armée qui était pas loin n'a rien fait. Donc, depuis cette date, la mobilisation au Mexique est sans précédent. Les étudiants ont disparu, donc on ne sait pas où ils sont jusqu'à aujourd'hui. Et les familles, les parents des étudiants ne veulent pas accepter l'état des choses qui, depuis 7 mois, même le gouvernement mexicain a voulu clore c'était le cas d'Ayotzinapa, en disant, par exemple, il y a eu soi-disant une enquête, en disant que les étudiants avaient été donnés de la police par aux guerreros, un groupe des narcotrafiquants de la région, un groupe. Et donc, les étudiants disparaissent et le procureur de la République va essayer de mener une enquête à laquelle personne ne va croire jusqu'à aujourd'hui. Les parents n'ont pas accepté cet état des choses, à savoir qu'ils étaient calcinés, qu'ils étaient quelques jours après dans des fosses. Et à la recherche de ces étudiants, on va trouver des dizaines de fosses et on va se rendre compte que le gouvernement... que l'État des guerreros est une tombe, on va dire, où on trouve des cadavres, des squelettes, En fait, c'est ça, c'est-à-dire que les parents mettent en avant finalement la disparition de leurs enfants, mais derrière tout ça, on révèle vraiment l'état des choses du Mexique, c'est-à-dire de la violence, des disparitions par dizaines de milliers, des dizaines de milliers de morts aussi. Des dizaines, voilà. Et à chaque fois qu'on ouvre une fosse, on se rend compte que ce n'est pas les étudiants. Donc, l'ampleur du mouvement dans le monde et au Mexique va être impressionnante, à tel point que toutes les réponses officielles du gouvernement mexicain ne seront pas acceptées, ni par les experts internationaux. Il y a des Argentins qui sont venus faire des expertises et on ne le laisse pas faire et on veut donner, on veut tourner la page, on va dire, de ce cas. Et pense que le mouvement va se baisser et que les Mexicains, ouais. Mais on continue ils à être oui, voilà. Ils attendent l'usure. L'usure, non. Et mais à côté de ça, il faut que je dise rapidement avant la tournée dont on va parler aujourd'hui, c'est que la répression a continué, les disparitions forcées, l'assassinat des journalistes, des activistes au Mexique, dans tous les États. Il est vrai qu'on est concentré sur Ayotzinapa parce que c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire que Ayotzinapa a réveillé toutes les consciences comme un ras-le-bol des Mexicains pour toute cette violence qui s'exerce du nord au sud. Mais la disparition des journalistes, des activistes et des personnes, de n'importe quelle personne qui manifeste, des étudiants, a été très lourde ces derniers mois, juste après Ayotzinapa. Et c'est très important de signaler que les étudiants d'Ayotzinapa, avec les parents, les mamans et les parents de ces étudiants, n'ont accepté donc aucune réponse de l'État mexicain. Et il y a eu, à la fin de l'année dernière, c'est très important pour cette tournée qui va y avoir. Que dans le cadre on donne tout de suite les dates, c'est le 3 et le 4 mai qui seront à Paris. Mais c'était dans le cadre de l'initiative lancée par la Sexta Zapatista au Mexique et avec le Congrès national indigène. Et on a décidé de se solidariser pour faire une tournée en Europe des proches des disparus. Donc il y aura un parent, un papa qui vient avec un étudiant d'Ayotzinapa et une personne des droits humains, un représentant des droits humains des Tlachinolan, de la Montaña de Guerrero. Hein. Donc, en donnant la parole aux proches des disparus, cette tournée se veut avant tout un espace des rencontres, des débats et des réflexions en bas et à gauche. Et afin de soutenir les camarades d'Ayotzinapa face aux tentatives du gouvernement mexicain de mettre un terme à leur lutte, cette tournée permet également de tisser des liens avec les luttes menées ici et ailleurs contre les violences policières, l'oppression du capitalisme, l'impunité et la corruption étatique. C'est-à-dire que dans cette tournée très importante qu'ils ont commencé le 16 avril, puisqu'ils sont déjà en Europe. Ils sont déjà en Europe. Ils ont commencé par la Norvège, après ils iront en Suède, en Finlande, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse, en France, en Espagne, à Saragossa et à Barcelone, à Madrid, à Catalogne, à Barcelone. Ils reviennent en France, en Belgique, en Allemagne et finalement Hollande et l'Angleterre. La tournée s'est faite du 16 avril au 19 mai. Et c'est surtout pour rencontrer... Et surtout à Paris du coup le dimanche 3 et le lundi 4. À Paris, le plus important... c'est que nous voulons tisser des liens avec d'autres collectifs parce que cette tournée ne s'est pas faite toute seule. Elle est donc inscrite dans cette Sexta Zapatista et beaucoup de collectifs y participent. Surtout non conformes aux officiels. C'est-à-dire que... comment dirais-je ? J'ai perdu ma tête. En fait, je pense que c'est important de dire que du coup, il y a une tournée de parents qui a été faite, mais dans un rapport plus institutionnel, avec une rencontre à Bruxelles, à l'ONU, etc. Donc, pour réclamer, dénoncer l'état des choses et la situation. Et que par contre, comme c'était déjà, comme tu venais de le dire, lié à la Sexta Internationale et le CNI, c'est-à-dire le Congrès National Indigène, c'est-à-dire la volonté de pouvoir faire de cette tournée une tournée pour se solidariser avec eux et qu'eux puissent se solidariser avec d'autres qui donc sont victimes des violences policières et d'État. ce qui se répète avec chacun ses formes dans chacun des pays. Exact. Et c'est à la rencontre de ces choses-là qu'ils veulent venir et non pas des institutions ou des gouvernements dont ils Exactement. Ont peu d'espoir. Oui. Et donc, c'est une invitation à ce que vous veniez à la marche, la manifestation qui aura lieu le dimanche 3 à Belleville. À Belleville, et donc, oui. On a précisément pris un quartier dans lequel il y a souvent des violences policières et il y aura un tracé... un parcours qui sera donc voilà plutôt en bas et à gauche. Justement, si on a déjà manifesté d'ailleurs avec la journée internationale qui a eu lieu au Trocadéro. On a fait un rassemblement contre les violences policières et avec tous ces collectifs qui participent dans cette tournée européenne. Et justement. Et donc, c'est très important que vous soyez donc, le 3 mai à 15h à Belleville, métro Belleville. Et le lundi 4 mai à 18h, à partir des 18h jusqu'à 23h, à la Maison Basque, c'est à Gabriel Péri, à Saint-Ouen. Oui, Gabriel Péri, c'est 59 avenue Gabriel Péri. Cette rencontre est très importante. C'est au métro Garibaldi. Garibaldi, oui. La rencontre avec la délégation d'Ayotzinapa et des discussions autour de la disparition forcée. Parce que j'ai oublié tout à l'heure une chose très importante, c'est qu'on considère cette disparition forcée et ce n'est pas inscrit encore dans le... On fait une demande au niveau de droit international pour que ce soit reconnu dans la justice mexicaine. Hein, le fait qu'ils aient été enlevés, voilà, en fait. Parce que le Mexique ne reconnaît pas cette jurisprudence. Nous vous attendons le 4 mai donc, pour discuter avec les familles dans cette tournée et surtout à la manifestation à Belleville. Merci beaucoup. Merci à toi, Janella. On se quitte, on se retrouve le mois prochain. Avant, on espère donc vous voir à la manif dimanche 3, 15h, Belleville. Maison Basque le lundi 4 à partir de 18h pour discuter avec les parents d'Ayotzinapa. Merci à vous, la jungle des luttes, FPP 106.3. Ciao, merci Greg. Bye.